Non, pas la peine de penser qu'on ne va pas s'amuser. Les terrains ont préparé des chansons. Il y aura tous nos amis, il y aura les hérissons, les écureuils, les ours, les fourmis, les lapins, les loups, les renards, les hiboux, les biches et les marcassins, les iguanes, les castors, les abeilles et le ricin, les mulots, les belettes, les gading, les ce sera chouette. La nature et le soleil, Gargamel et Azrael. Non, pas la peine de penser que l'on ne